Lévis, un médecin en quelques minutes. Moi c'est Valérie, j'ai 37 ans et j'habite à côté de Dijon. J'ai eu une petite frayeur avec mon fils, il avait 39 de fièvre un dimanche matin. Rien d'alarmant, mais mon pédiatre n'était pas disponible et j'avais pas envie d'aller aux urgences pour un motif qui ne nécessitait pas forcément. Donc j'ai téléchargé l'appli Lévis. On a eu la consultation du médecin en visio hyper rapidement et ça m'a vraiment bien rassurée. Il nous a prescrit le bon traitement que j'ai pu récupérer à la pharmacie de garde. Mon fils a pu passer une bonne nuit, donc merci Lévis. Lévis, un médecin en quelques minutes. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce deuxième numéro d'une compagnie des auteurs consacrée jusqu'à jeudi à l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma. Kourouma, dont Jean-Michel Dian nous a raconté la vie, hier sa naissance au nord de la Côte d'Ivoire, au sein du peuple malinké, sa scolarité dans des écoles où toute autre langue que le français était interdite, puis les trois années passées à combattre sous le drapeau tricolore contre les indépendantistes indochinois, terrible paradoxe quand on est soi-même indépendantiste. Et puis sa vie d'adulte, marquée ensuite par son double travail de directeur général d'une société de réassurance le jour et d'écrivain la nuit, avec la publication de 5 romans, dont un posthume, qui marqueront l'histoire de la littérature africaine. Demain, nous interrogerons davantage son rapport à l'Afrique et aux autres écrivains de ce continent, avec en première partie Romuald Fonkoy, universitaire spécialiste des littératures dites francophones, et puis en seconde partie, l'éditeur Bernard Manier, responsable de la collection Lettres africaines chez Actes Sud. Enfin jeudi, nous serons en duplex avec la femme d'Amadou Kourouma, Christiane Kourouma. Elle viendra raconter l'homme qu'il était, avant de terminer cette série par un entretien, vous l'entendrez, avec l'écrivain franco tchadien Nimrod. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons sur le premier roman de Kourouma, ces fameux soleils des indépendances qui ont ouvert tant de voies à la littérature africaine en français. Nous le faisons avec Patrick Voisin, professeur en classe préparatoire au lycée Louis Barthou de Pau, où il a organisé une journée d'études en 2003 sur ce livre en particulier. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Je ne me suis jamais approprié le français, que le langage africain que je dois utiliser doit être essentiel, doit être l'essentiel de chez moi. Et le français, je le considère un peu comme vraiment une langue étrangère. Une langue étrangère que je dois utiliser, que je n'ai pas le choix d'utiliser, et que je dois m'exprimer dans ce langage en interprétant le langage de chez moi par le français. Voilà. Le français comme une langue étrangère, disait Amadou Kourouma à Catherine Poinbert en 1999. Bonjour Patrick Voisin. Inisoma. Ça veut dire... En malinké, cela veut dire bonjour. Alors faites attention parce que moi je vais vous demander de parler seulement en malinké pendant toute l'émission et de faire la traduction simultanée. Alors, je ne pourrai pas parce que le malinké c'est... Pour moi, c'est comme Biraïma dans le roman « Allah n'est pas obligé », c'est-à-dire que j'utilise des dictionnaires, je fais comme Kourouma. J'ai également beaucoup de dictionnaires et j'ai la passion des langues qui fait que quand je me penche sur un roman de Kourouma, j'ai envie de savoir comment on parle malinké, même si dans le roman, on le sait, il y a très peu de mots malinké même, mais surtout une malinquisation de la langue française. Il y en a quand même. Il y en a quelques-uns. Il y a des mots qu'on a du mal à comprendre, effectivement, quand on n'a pas son dictionnaire de malinké comme on devrait tous l'avoir finalement chez soi. Est-ce que vous avez, quand vous entendez Kourouma parler du français comme une langue étrangère, Est-ce que vous entendez du regret ou de la tristesse chez lui à justement avouer qu'il doit écrire dans une langue qui n'est pas la sienne? Oui, j'ai l'impression. Effectivement, je ne connaissais pas cet enregistrement et je suis surpris par le ton qu'il emploie. Mais en même temps, je pense que c'est aussi le ton qu'on retrouve dans beaucoup de ses propos. On dit souvent que Les Soleils des Indépendants est un roman du désenchantement, et il y a peut-être quelque chose de ce désenchantement dans la voix qu'il a quand il parle du français. Bon, alors si on veut essayer de voir cette question, Kuruma, qui est-il? Il est un Ivoirien, ça c'est sa nationalité. Il est malinké, c'est son origine ethnique, il est africain et il va utiliser le français pour écrire ses romans. On pourrait penser que le français pour lui, c'est un petit peu cette langue butin-guerre dont parle Kateb, hein, qui est le propre des langues qui ont donné des littératures après les indépendances, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Ça veut dire quoi, butin de guerre? La langue butin de guerre, c'est-à-dire que le colonisé qui se libère va garder la langue de son colonisateur et va la retourner, comme disait Jean-Michel Gian hier, contre l'ennemi. À la différence que chez Kuruma, je n'ai pas l'impression que le français soit utilisé comme une langue butin de guerre dressée contre l'ancien colonisateur. Je crois que Kuruma, tout simplement, il le dit dans certains entretiens, ne connaissait pas le malinké d'une manière assez fine pour pouvoir écrire son premier roman en malinké. C'était peut-être de sa part une marque de modestie, parce que il est difficile d'imaginer qu'il ne connaisse pas bien la langue du pays dont il est originaire. Mais il y a une autre raison très simple aussi, c'est que s'il avait écrit un roman en malinké, le lectorat aurait été très réduit. Et donc, s'il voulait être lu, et par conséquent faire savoir à un lectorat ce qu'il avait à dire sur les indépendances, la colonisation, et ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, il lui fallait passer par un vecteur de langage beaucoup plus large. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle il utilise le français. Mais quand même, quand on a autant pratiqué le français que lui, à l'oral comme à l'écrit, quand on est marié à une femme qui est une française, quand on a presque un peu oublié son malinké, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu tragique? Et quand on a transformé la langue française comme il l'a fait, à dire « le français est une langue étrangère pour moi ». Oui, c'est vrai, et c'est peut-être là que le bât blesse, à savoir que il n'y a pas ce qu'on pourrait souhaiter peut-être chez lui, c'est-à-dire l'idée de d'entrer pleinement dans la langue française et dans la littérature française. Et c'est peut-être justement au lecteur et aujourd'hui à tous ceux qui lisent Kuruma de lui dire que il n'a pas à considérer la langue française comme une langue étrangère, mais que il a pris les meilleurs modèles qui existaient, Rabelais, Hugo, Molière, Céline, on a quand même vu pire dans la littérature française. C'est ce qu'il y a de mieux en termes d'inventivité verbale, en termes de transformation du langage constamment dans la langue française. Et il est le jalon suivant, c'est-à-dire que après Céline, c'est lui qui renouvelle la langue française. Et on pourrait penser donc qu'il en tire une certaine fierté, mais ce n'est pas le cas, puisque cette langue qu'il maîtrise au point de travailler fondamentalement la langue, lui apparaît encore comme une langue étrangère. Donc est-ce que c'est cette sorte de détachement qui caractérise, je pense, le fait que aussi son œuvre a pu ne pas être une œuvre engagée pour dire des messages, mais dire des vérités et garder une distance toujours, c'est peut-être la réponse. Alors cette question de la langue française, Patrick Voisin, elle était au cœur de cette journée d'études que vous avez organisée à Pau en janvier 2013 et dont a résulté un ouvrage collectif, Amadou Kourouma, entre poétique romanesque et littérature politique. C'est paru chez Classique Garnier en 2015 et c'est un ouvrage qui aurait sûrement un peu étonné Amadou Kourouma, lui qui disait qu'on soulevait chez lui des problématiques littéraires extrêmement savantes que lui-même n'avait jamais imaginé. Exactement. Alors, tout le point de départ, c'est le programme du concours d'entrée à Normal Sup, hein, puisque j'enseigne dans les classes préparatoires. Et le programme du concours est un programme qui ne s'appuie pas uniquement sur le canon de la littérature classique, mais qui réserve des belles surprises parfois. Avant Amadou Kourouma, il y avait eu Kateb Yassin et Nejma. Et donc, quand on prépare des étudiants à ce concours, eh bien, on prépare son cours. Et préparer son cours, c'est ne pas choisir les auteurs sur lesquels on va travailler, mais les prendre tels qu'ils vous arrivent. Et la réaction que j'ai eue quand j'ai lu « Les soleils des indépendances », ça a été vraiment un choc. J'aimerais bien que vous nous en parliez justement de ce moment où vous avez découvert ce livre tout de même très étonnant. On racontera peut-être un peu plus tard comment les premiers lecteurs des Soleils des Indépendances, et notamment ceux qui ont reçu le livre sous forme de manuscrit, ont été étonnés. Et vous, alors enseignant, chercheur en littérature, qu'est-ce que vous pensez quand vous lisez pour la première fois ce livre? Je vous dis, c'était un choc. Aujourd'hui, on dit un blast, c'est-à-dire que on s'attend à lire un ouvrage qui va évoquer les problèmes politiques de l'Afrique, parce que c'est ce qu'on dit globalement dans une première approche de Kourouma, que c'est un écrivain politique. Et puis on découvre, dès les premières pages, une capacité poétique extraordinaire. On n'a pas besoin d'aller très loin. Mais bon, on a dit aussi que Kourouma avait un style fautif, cela lui a valu le Goncourt en 2000. Robert Sabatier l'a expliqué, Alain Mabankou l'a rappelé ici à France Culture il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, dès la page 2, on lit une phrase telle que « Restes et ombres se seraient à nouveau séparés et c'eût été au village natal même qu'auraient été entreprises les multiples obsèques trop compliquées d'un malinqué de caste forgeron ». Je crois que si tous les étudiants écrivaient un français aussi beau, on ne parlerait pas de français fautif. Donc j'ai été frappé par cette qualité de la langue. Et puis ensuite, bien il faut entrer bien sûr dans la langue de Kourouma, qui est une langue dans laquelle on va facile, trouver quand même, disons-le, qui n'est pas facile au début, parce qu'au fur et à mesure de ses romans, la langue va être plus simple à appréhender. Voilà, et donc on tombe ensuite sur des expressions qui peuvent surprendre. Parfois, on peut mettre sur le compte de la vulgarité certaines phrases qu'on lit en se disant mais qu'est-ce que c'est cette œuvre, qu'est-ce que c'est ce français qu'on lit. Et pourtant, je prends un exemple, hein, quand vous avez à la page 104 cette phrase qui est question de Fama, Fama Pica, le genre de colère qui bouche la gorge d'un serpent d'injures et de bave, etc. Osa, debout sur ses deux testicules, sortir de sa bouche que Fama, étranger, ne pouvait pas traverser sans carte d'identité. Bon. Moi, ça m'évoque tout simplement la même chose chez Albert Cohen dans Belle du Seigneur, où on voit, par exemple, au début d'un chapitre, les ambassadeurs de la Société des Nations qui avancent dans le grand hall de la Société des Nations, suivis de leurs hémorroïdes, écrit Albert Cohen. On n'a jamais reproché à Albert Cohen d'avoir écrit une formule comme celle-ci. Et pourtant, on peut considérer que Kourouma, lui, au contraire, utilise un français qui... Il utilise un vocabulaire et un langage qui est celui de l'Afrique. Donc vous parlez d'Albert Cohen, et finalement, l'objet de cette journée d'études que vous aviez organisée à Pau, c'était précisément, je crois, de dire en quoi Kourouma appartient pleinement à la littérature française. Mais on peut se poser la question, pourquoi en douterait-on au premier abord ? Alors, bon, cette journée avait pour rôle d'abord de traiter un programme. Elle a eu un supplément d'âme par le fait que des amis proches de Kourouma sont venus. Roger Chemin et son épouse, Tanela Bonny, qui étaient des proches de Kourouma. Avec également le doyen de l'université de Pau, Abel Kouvouama, qui est ivoirien et qui connaît bien aussi Kourouma. Et cette journée avait pour rôle de traiter, on va dire, des questions fondamentales du roman par rapport au concours. Mais ensuite, cela donnait lieu donc au livre. Et le livre a pris un peu de distance par rapport à la journée. D'autres collaborations se sont ajoutées. Et puis, Claude Blum, aux éditions Garnier, m'a accordé sa confiance pour sortir, on va dire, Kourouma des collections de francophonie, de littérature francophone, et réellement lui offrir une entrée, une porte d'entrée dans la littérature française. Alors voilà, donc le terme de francophonie, c'est un terme qui pose question. Pourquoi Kourouma est-il classé dans la classification célèbre de Douai à la rubrique, alors c'est combien, c'est 846 au lieu d'être en 840 qui est la littérature française. Voilà. Bon, donc quelle est la question qui se pose derrière cette classification? Alors cette classification, elle est problématique pour moi, et donc l'objet de l'ouvrage publié chez Garnier dans sa mise en place, dans son premier article que j'ai écrit comme une sorte de programme pour l'ensemble du livre, c'est de conduire un jour Kourouma à sortir de cette case 846. Même si c'est peut-être une utopie, parce qu'on ne voit pas comment on pourrait faire revenir Kourouma dans une autre case que celle dans laquelle il a été rangé. Et j'emploie le mot case volontairement, puisque le mot case renvoie à l'Afrique et justement à la case africaine dans la maison de Molière, dont on va reparler peut-être. La question de la francophonie, c'est très simple. Kourouma est un Ivoirien, un Africain, il devrait écrire normalement dans sa langue. Quand on parle de la littérature espagnole, on parle d'une littérature qui est écrite en langue espagnole. C'est-à-dire que dans la classification, il y a un seul tiroir pour mettre tout ce qui est écrit en espagnol, alors, comme il y a un seul tiroir pour tout ce qui est écrit en anglais et tout ce qui est écrit en allemand. Est-ce que la France qui fait la séparation entre francophonie et littérature française ? Il y a ce qu'on appelle des champs, c'est ce que Bourdieu appelle des champs. Donc il y a le champ de la littérature française, et le problème est de savoir si Kourouma appartient à un champ qui serait celui de la littérature africaine. Or, elle n'existe pas. Il n'y a pas de littérature africaine. Pour quelle raison? Parce que, tout d'abord, il y a beaucoup de langues en Afrique. Il y a le malinké, mais il y a aussi le bambara, le dioula et beaucoup d'autres. Est-ce qu'il y a une culture commune africaine qui serait un dénominateur commun pour dire qu'il y a une littérature africaine? Je n'en suis pas sûr, je ne connais pas bien la réalité africaine, mais je pense qu'il y a beaucoup de cultures liées aux différentes ethnies. Et donc, il ne peut pas y avoir une littérature africaine. Alors ensuite, on prend le critère de la langue. Et donc, on va avoir, avec la colonisation forcément, une littérature de langue française en Afrique, qui va être le pendant d'une littérature en anglais également, parce qu'il y a une littérature anglophone en Afrique. Donc on fait les mêmes distinctions dans toutes les langues, en fait. Je pense. C'est pas spécifique aux Français. Mais pour ce qui est de la classification universelle dans les bibliothèques en France, on considère que la littérature francophone est un sous-champ de la littérature française. Donc, il y a différentes cases, 841, 42, 43, pour les littératures suisses, belges, québécoises, africaines, et la littérature africaine est dans cette case-là. Alors, en fait, un de mes collègues, Xavier Garnier, dit que les littératures francophones se définissent par des contextes de production auxquels sont ramenées les œuvres indépendamment de leur valeur littéraire. Tout le problème est là. On ne considère pas leur valeur littéraire, mais on les ramène à des contextes de production. Et la case 846 est celle d'une littérature francophone politique qui parle de tous les problèmes qui ont été connus par l'Afrique. Et alors le problème essentiel, c'est que cela satisfait tout le monde. Cela satisfait le milieu germano-pratin parisien qui n'a jamais voulu voir des écrivains africains entrer dans la littérature française. Donc on les met dans la littérature francophone, ils sont dans une case à l'intérieur de la littérature française, mais ils ne sont pas pleinement dans la littérature française. Et en même temps, et c'est ce que je regrette, les Africains s'en contentent aussi, parce que les Africains, et ça peut se comprendre, n'ont pas envie de voir leur littérature africaine se fondre dans la littérature française. Et donc tout le monde s'accommode de cette case 846 de la littérature francophone africaine. Mais je pense, pour avoir lu beaucoup d'écrivains africains, Ologem, Mongo Betty, etc., qu'il y a quelque chose de tellement différent chez Kuruma que c'est dans la case 840 qu'il devrait être. Bon, mais enfin, tout ça, c'est des histoires de classification. Est-ce que c'est vraiment important à la fin? On a un écrivain qui écrit en français, qui est lu au Québec, aussi bien qu'en Suisse, qu'en Belgique et qu'en France. Est-ce que le fait qu'il soit dans la case 840 ou 846, finalement, qu'est-ce que ça peut faire? Pour moi, c'est important parce que c'est une question d'instance de légitimation. C'est une question qui montre que on ne veut pas le considérer sur le même plan que d'autres auteurs. Pourquoi Beckett est dans la catégorie de la littérature française? Pourquoi Ionesco est dans la littérature française? Mais qui choisit de classer comme ça? Ah, ce sont les instances majeures dans le milieu du livre, je pense, qui aboutissent à, et puis des habitudes, des héritages, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a rangé les écrivains africains dans cette case 846, eh bien on ne déroge plus. Alors quand vous comparez par exemple ce que dit Kuruma sur cette case africaine qu'il a plantée dans la langue de Molière, et quand vous prenez la phrase de Cohen, donc la case là entendue au sens de petite maison, petite, voilà, pute, et pas la case voilà, dans laquelle on range, et voilà, classique. De la même manière que notre studio aujourd'hui est une case de la grande maison de la radio. Voilà, on a planté une case, hein, de littérature dans la grande maison de la radio. Exactement. Bon, Albert Cohen dit qu'il est un arbre de Judée dans la forêt française. Moi, je trouve que c'est très similaire, c'est très semblable. Pour quelle raison Albert Cohen, ce grec de Céphalonie, aux origines affirmées juives, pourquoi est-il dans la littérature française et pas Kuruma? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui empêche Kuruma d'y être? C'est ce qui me gêne. J'ai été surpris que dans le monde, on parle de ce que le communisme a fait dans les pays occidentaux. J'ai été surpris qu'en France, on parle, les Allemands sont restés 4 ans, et tous les ans, on en parle. Alors que chez nous, où il y a eu la colonisation, ça a duré à peu près un siècle, personne n'en parle. Alors c'était un peu ce que j'ai voulu présenter ce que la colonisation a voulu faire dans Monnaie ou Trajet des Faits. Mais il semble que cela n'apparaît pas beaucoup dans le livre. Il paraît que le style a un peu gâté ce que j'avais voulu présenter comme horreur, comme chose, la colonisation. Écrire des livres, donc, pour vous, c'est dire des choses vraies. Voilà, c'est de dire ce que j'ai vu, j'ai témoigné, j'ai vécu, j'ai vu la colonisation. Bon, je ne les ai pas vus, mais quand j'étais jeune, mes parents venaient de voir la colonisation, les Français arrivaient. J'ai vu l'arrivée des Français, la colonisation, j'ai vu les indépendances, puis... Et tout dernièrement, j'ai vu la guerre froide et tout ça, je témoigne, je dis ce que j'ai vu. Amadou Kuruma, interrogé par Alain Weinstein, qui dit bien la nécessité pour lui de témoigner de la colonisation. C'était pour son livre « Monnaie, outrage et défis », mais cela pourrait s'appliquer aussi au soleil des indépendances dont nous parlons en particulier avec vous aujourd'hui, Patrick Voisin. Ce besoin de témoignage, cette nécessité du témoignage, vous allez sans doute nous en parler, ce mot-là de nécessité. Mais on peut se demander, pour commencer, si cette nécessité d'écrire, elle était pour lui ou elle était pour les Africains. Est-ce que vous avez l'impression qu'il avait une volonté de témoignage dans un but qui était un but d'émancipation générale de la société, ou est-ce que c'est sa révolte intérieure qui le poussait chaque nuit, peut-être pas chaque nuit, mais souvent, à se mettre à sa table de travail? Patrick Voisin. Alors c'est curieux, quand on entend le morceau d'interview que vous avez passé, d'entendre Kuruma dire que il fallait parler de la colonisation, parce qu'on lui a reproché, justement, avec Les Soleils des Indépendances, son premier roman, de ne pas avoir directement dénoncé la colonisation et d'avoir avant tout mis le doigt sur Les Soleils des Indépendances, donc ce qui a suivi les indépendances. Et au point que, par exemple, Jean Ouédraogo avait dit que Les Soleils des Indépendances étaient une balafre sur le lisse visage des indépendances. Un grand spécialiste de Kuruma. Qui a publié d'ailleurs une petite édition de Allah n'est pas obligé aux éditions Le Cip de très grande qualité. Et Jean Ouédraogo donc dit que c'est une balafre parce que on attendait nécessairement que Kuruma dénonce la colonisation comme Mongo Betty, comme Wologem, comme Samben Ousmane. Et en réalité, il écrit un roman qui surprend. Alors qui est en fait un roman rhizome parce que on s'aperçoit si on prend maintenant tous les romans de Kuruma qu'il y a une continuité où il y a un tout. Les Soleils des Indépendances évoquent les indépendances. Monet, Outrage et Défi ensuite revient sur la période du colonialisme. Ensuite, en attendant le vote des Bêtes Sauvages, on se projette dans l'après, la période postérieure aux indépendances avec des dictateurs fous. Et puis enfin, les deux derniers, Allah n'est pas obligé et Quand on refuse, on dit non, sont consacrés aux guerres tribales qui sont beaucoup plus récentes, au Liberia, Sierra Leone, et la question dans le tout dernier qui n'est pas achevé, Quand on refuse, on dit non, la question de l'ivoirité avec derrière, bien évidemment, la présence de Gbagbo et le fait que la guerre tribale entre Ouattara et Gbagbo gagne la Côte d'Ivoire et devient, alors j'emploie les expressions de Kuruma, hein, il dit que dans Allah n'est pas obligé que au Liberia c'est le bordel simple, ensuite en passant au Sierra Leone avec son personnage Biraïma, c'est le bordel au carré, et puis ensuite en Côte d'Ivoire cela devient le bordel sans frontières, parce que l'Afrique est en quelque sorte totalement gangrénée. Bon, le problème est de savoir si Kuruma est un auteur engagé ou pas. Est-ce qu'il est engagé? Donc je reviens à votre question. Quand il écrit « Écrire pour moi, c'est vider une colère, répondre à un défi », je n'ai pas l'impression que ce soit une phrase qui dise le projet mûri d'écrire pour dénoncer et pour entrer dans une sorte de discours d'auteur engagé tel que Sartre l'entend. Donc il écrit pour lui alors, c'est une nécessité écrire pour lui. Pour moi, il n'écrit ni pas « écrire, c'est vider une colère », pour moi. Et donc c'est avant tout quelque chose, je pense, qui relève d'un moment où il lui faut dire des vérités. D'ailleurs, il s'arrêtera à cette expression en disant « dire des vérités ». Il n'entend pas entrer dans les clans. Enfin, dire sa vérité. Sa vérité. Bon, on sait très bien que ce qui déroute quand on lit Kuruma, c'est que finalement, et c'est pourquoi on a parlé de roman du désenchantement, il n'y a pas de thèse de Kuruma qui ressorte du texte. Il n'y a pas de contre-projet. Il refuse tous les arbitraires. Ça peut être bien sûr la colonisation, cela peut être les indépendances, mais c'est aussi la tradition africaine identitaire qui apparaît à travers le personnage de Fama comme discrédité avec ses excès. Donc on n'est pas dans une thèse qui serait une thèse positive, on est plutôt dans une critique un petit peu générale et de tout le monde. Alors critique, est-ce qu'on dira critique, je ne sais pas. Il dit ce qu'il voit et il le met ensuite dans des romans, puisqu'au départ c'était un essai qu'il voulait écrire. On va en parler, ouais. Mais tout à l'heure vous avez évoqué une vision des romans de Kuruma qui était presque une vision géopolitique. Et il y a d'ailleurs des chercheurs qui ont étudié Kuruma selon cette vision géopolitique, je pense à notamment Jean-Fernand Bédia et Francis Ekungun. Oui. Est-ce que vous pensez que cette manière de voir la littérature de Kuruma, elle est efficiente? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'on peut le lire comme ça? Bon, alors on peut le lire comme cela, je pense, quand on est africain et que on veut voir dans Kuruma le principal auteur de la littérature africaine, on ira francophone puisque c'est ainsi qu'elle est qualifiée, pour représenter les problèmes, le discours de l'Afrique. Et du coup, qu'est-ce que ça dit si on le lit comme ça? Qu'est-ce qu'on comprend de ce message? Cela dit, d'abord, Kuruma ne prend jamais parti. Mongo Betty ou Wologem lui ont reproché de ne pas avoir justement dit son camp de façon très nette. parce que dans son premier roman, il y a, par les voies narratives, par l'ironie sur les personnages, il y a constamment un doute qui est jeté sur les personnages, et aucune vérité ne semble ressortir d'un personnage, si ce n'est peut-être l'innocence de Salimata, le personnage féminin. Mais il n'y a pas... Alors, bien entendu, vision géopolitique, vous dites, oui, on a mis l'accent là-dessus, et les deux universitaires que vous citez l'ont fait. C'est le chemin diamétralement opposé que, pour ma part, je veux emprunter, parce que c'est ce qui enferme définitivement Kuruma dans la francophonie et la politique. Voilà, et donc on parlera plutôt en seconde partie de cette émission du chemin que vous voulez emprunter. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Mais tout de suite, dans la compagnie des auteurs, nous filons à Bordeaux pour retrouver Olivier Meuny, dont le projet, je vous le rappelle, de rappeler justement à notre souvenir quelques pans, justement délaissés de notre littérature. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Et justement, aujourd'hui, vous souhaitez évoquer la mémoire d'un écrivain qui va en quelque sorte nous servir, alors vous à Bordeaux et nous ici à la Maison de la Radio, de trait d'union, puisque c'était à la fois un homme du Sud-Ouest et un homme de radio. Il s'agit de François-Régis Bastide. Eh oui, homme du Sud-Ouest et homme de radio, entre autres qualités, Mathieu. Mais vous avez raison, je voudrais consacrer cette chronique au souvenir de François-Régis Bastide, qui est mort il y a 20 ans, un peu plus maintenant. Radio France n'a sûrement pas oublié, en effet, celui qui, en 1955, créa avec Michel Pollack le Masque et la Plume, et en fut plus tard l'animateur attitré durant 10 ans. Enfin, c'était l'ORTF, 1971. Hein. C'était tout autre chose. C'était l'ORTF, oui, absolument, absolument. Oui, bien sûr, c'était autre chose. Mais c'était un grand ancêtre, disons. De 1971 à 1981. J'aimerais être sûr que le Sud-Ouest, et plus précisément cette ville de Biarritz, où il naquit, grandit, fit ses humanités, écrivit et même exerça des fonctions électives en qualité de conseiller municipal, se souvienne aussi bien de lui. J'en suis pas sûr. Ce Biarritz, dont il parlait dans presque chacun de ses livres, et dont il dit un jour, c'est une ville laide et capiteuse, inachevée et que j'aime, j'y suis né, le tourisme l'achèvera. Ceci dit, ce n'est pas que pour ces questions identitaires qu'il convient de se souvenir de François-Régis Bastide. C'est pour sa vie, c'est pour son œuvre, pour la façon surtout dont il rêva l'une et l'autre, parce qu'il parvint à être un personnage inactuel et baroque, sans jamais cesser d'être fondamentalement un écrivain. Peut-être aussi pour donner raison à Patrick Modiano, qui un jour écrivit de lui « On le relira, vous verrez, il reviendra ». Pourquoi vous dites un personnage, Olivier ? Eh bien, je crois que tous ceux qui l'ont connu seront d'accord avec moi, peut-être parce que, au fond, Bastide avait un rapport assez lâche avec la vérité, avec tout ce qui n'était pas sa propre vérité. Celle, comme il disait drôlement, je cite, « d'un petit bourgeois du Sud-Ouest qui a cru s'élever à la hauteur des grands Allemands incompréhensibles ». Ce narcisse romantique n'entendait pas laisser au seul privilège de la naissance, ou même à ceux de l'étude et de la culture, pas plus d'ailleurs qu'au jeu de l'amour et du hasard, lui dicter son emploi du temps. Il était toujours en complète réinvention de lui-même, usant et abusant sciemment de sa liberté. L'homme était donc un romancier, très vite fêté. À 30 ans, il a déjà écrit 5 romans et a obtenu le prix Femina pour Les Adieux. Mais son terrain, c'est le bel et vivace aujourd'hui, comme on dit, même si les fantômes du passé lui tiendront toujours compagnie. Cela l'amène à s'engager à 17 ans dans la deuxième DB du général Leclerc. Plus tard, ce sera la radio, on l'a dit, la politique... Son engagement au sein du PS, où il parvient à obtenir l'amitié tant de Michel Rocard que de François Mitterrand, ce qui dans les années 70 n'était pas une sinécure, vous en conviendrez. Il est aussi compositeur de musique, pianiste émérite. Il lui arrive de faire l'acteur pour la caméra d'Alain René ou de Francis Giraud. Il tient même un temps la rubrique astrologique du journal Marie-Claire. Enfin, l'élection de François Mitterrand à l'Élysée lui permet de réaliser son plus vieux rêve, se réinventer encore une fois en diplomate cette fois-ci. Il sera ambassadeur de France au Danemark, en Autriche et auprès de l'UNESCO. Voilà une vie bien remplie qui nous ferait presque oublier que François-Régis Bastide, c'était peut-être d'abord un écrivain. En effet, Mathieu, et qui gagnerait à être vraiment redécouvert, même si on l'a un peu redécouvert il y a une dizaine d'années avec le très très beau livre d'amitié que lui a consacré Jérôme Garcin. C'était aux éditions Gallimard. Qui lui a succédé au micro du Masque et la Plume. Oui, qui lui avait succédé amicalement aussi au micro du Masque et la Plume. En même temps, bien entendu, la vie sert l'œuvre et en est en quelque sorte le véhicule narratif. Il convient de ne pas les opposer. Comme dans son dernier roman, l'admirable et très incompris L'homme au désir d'amour lointain, où il revisite sa vie d'ambassadeur au prisme d'Andersen, de Morand et du cosmopolitisme indolent du Larbeau de Barnabos. L'œuvre de Bastide, qui touche à tous les genres, mais est essentiellement romanesque, est comme close sur elle-même, sur ses secrets. Peut-être faudrait-il, pour la découvrir, commencer par le plus mystérieusement autobiographique de ses livres, La vie rêvée, où l'enfance biarrote est un point d'ancrage en même temps qu'une ligne d'arrivée. Et il conviendrait aussi de se souvenir que François Régis était un grand éditeur, notamment à l'enseigne des éditions du Seuil, où sa plus grande fierté fut d'avoir permis la redécouverte des livres de son maître, Paul Gaden. Il était dans la vie tout ce que Gaden n'était pas, dispersé, dissipé, voire un peu mondain, mais ses livres, comme ceux de l'auteur de l'invitation chez les Sterls, sont d'abord l'occasion d'un retour à soi, à sa vérité première, celle finalement d'un homme brûlé au feu de sa création, victime sacrificielle de son art. Et de toute façon, nous, on va le relire. Merci Olivier Mauny et à la semaine prochaine. Merci, Mathieu. Nous revenons toute cette semaine sur la vie et l'œuvre d'Amadou Kourouma, l'auteur notamment des Soleils des Indépendances, un livre devenu un classique, mais qui a pourtant failli ne jamais paraître, refusé dans un premier temps par tous les éditeurs français. La suite, c'est Kourouma lui-même qui l'a raconté au micro de Catherine Poirimbert. Alors finalement, le roman va paraître, mais il va paraître à Montréal et non pas à Paris. Et il va paraître avec tout de même énormément de modifications, parce qu'on vous a demandé de faire des coupes dans ce roman. C'est-à-dire ce que vous vouliez dire au départ, ces événements politiques dont vous vouliez témoigner, ils ont malgré tout été censurés. Voilà, effectivement, ce qui restait était un peu la forme, ce qui était le début, ce qui permettait de présenter l'élément essentiel du roman. C'est ça qui a été le corps du roman. Et l'essentiel a été supprimé, les tortures, les éléments qui ont été supprimés. Et donc, quand la revue Langue française de l'Université de Montréal avait organisé un concours, il demandait des manuscrits africain, c'était en 1967, la période pendant laquelle De Gaulle a passé à Montréal. Il y avait l'exposition internationale universelle à Montréal. De Gaulle a passé, De Gaulle a écrit Québec libre et tout. Et donc, tout ce qui était francophone était bien vu et ils avaient fait un concours. Ils cherchaient des écrits, tout ce qu'il y avait comme manuscrit. Et donc, mon manuscrit s'est présenté là, il y avait 300 et quelques, et ils m'ont choisi. Ils m'ont fait venir, pendant ce temps j'étais à Alger, ils m'ont dit, écoutez, ton livre est très bien, ton manuscrit est très bien, mais il y a beaucoup de journalistes là-dedans, des passages qui concernent les tortures ou des choses comme ça. C'est très bien, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu as raconté, ce que tu as présenté au début, il faut terminer le roman sur cette base. Alors ils m'ont pris pendant 15 jours, je suis resté à Montréal, j'ai travaillé nuit et jour, et j'ai bouclé le roman en expulsant tout ce qui avait trait à la torture, à l'emprisonnement. Patrick Voisin, est-ce que vous pensez que le travail qui a été fait sous l'impulsion des éditions de Montréal, ce retrait d'un certain nombre de passages, cette demande au fond de retravailler le roman pour qu'il soit moins journalistique, est-ce qu'au fond, pour vous, ça a plutôt servi le roman ou est-ce que ça l'a desservi ? Bien sûr, cela a servi le roman, cela sert Kuruma. On sait très bien que au départ, c'était un essai qui aurait dû être publié, et puis cet essai devient un roman grâce à Georges-André Vachon, qui va donc l'éditeur parfaitement, des Presses de Montréal, qui va parfaitement guider Kuruma dans son travail. Et c'est ce qui fait que, alors on peut penser à des formules bien connues, celle de Ricardou qui montre que le nouveau roman, c'est le passage de l'écriture d'une aventure à l'aventure d'une écriture. Mais il est évident que Kuruma ne fait pas partie du nouveau roman, mais on peut créer une expression un peu semblable en disant qu'on passe, grâce à Georges-André Vachon qui amène le roman à naître de l'essai qui était le projet initial, on passe d'une littérature de circonstance à une circonstance de littérature. Donc c'est aussi l'éditeur qui fait l'auteur à ce moment-là. Je pense que les éditeurs ont toujours plus ou moins un rôle à jouer et ont toujours plus ou moins joué un rôle pour guider les auteurs. On doit retrouver des situations semblables pour beaucoup d'autres métiers d'ordre artistique. C'était nécessaire peut-être que Georges-André Vachon dise franchement à Kuruma que son roman serait intéressant à partir du moment où on supprimerait tout ce qui était idéologique à l'intérieur, tout ce qui était de l'ordre de l'écriture trop directe de la politique africaine. Et on pourrait prendre ça aussi comme un acte de censure. On pourrait, d'ailleurs, quand on écoute l'archive, on se demande, on a un doute sur le fait de savoir si Kuruma, au fond, regrette ou pas ces coupes qu'il a opérées dans son roman, parce que ce qu'il était parti pour dire, c'était précisément une critique du régime. Et on lui dit, bah non, ça c'est trop journalistique. Non, en fait, la critique du régime demeure. Simplement, c'est au niveau de la troisième partie que c'est posé le problème. C'est la première et la deuxième partie n'ont pas connu les différences très importantes qu'il y a eu sur la troisième. Il y a deux personnes qui ont travaillé, Patrick Corcoran, qui est en Angleterre, et Jean-Francis Ekungun, qui ont travaillé sur le tapuscrit des Soleils des Indépendances, et qui ont montré toute la partie, quelle était la partie qui avait disparu dans la version finale. Et c'est la troisième partie qui essentiellement est touchée, c'est-à-dire le moment où Fama revient à la capitale, hein, est pris dans une sorte de soulèvement politique, un faux complot, etc. Et c'est cette partie qui a paru donc à Georges-André Vachon devoir être dégraissée parce que elle n'était plus dans la ligne des deux parties précédentes qui, elles, étaient beaucoup plus romanesques, littéraires, rattachées aux griots, aux contes africains, etc. Et là, on entrait dans une partie très idéologique. Donc c'est là que c'est faite la modification. Mais c'est ce qui fait que, finalement, au bout du compte, l'œuvre aujourd'hui a encore du sens. On peut penser par exemple que si on change totalement de contexte, que les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné par exemple ne seraient plus lus aujourd'hui s'ils étaient restés uniquement au stade d'un poème pamphlet engagé sur les querelles entre les protestants et les catholiques. Mais il y a une écriture, il y a une langue, et c'est ce que Georges-André Vachon a révélé chez Kuruma. Et là, on touche à l'universel et on est vraiment avec un écrivain et pas seulement avec, entre guillemets, un intellectuel engagé. Vous disiez tout à l'heure, Patrick Voisin, qu'initialement, Kuruma avait pensé écrire un essai et non pas un roman, et que c'est un roman qui est venu, malgré tout, sous sa plume. D'abord, comment est-ce que vous expliquez ça? Et est-ce que on n'entre pas là dans une espèce de nouveau genre littéraire que Kuruma inaugurerait par cette imbrication presque involontaire à la fois de sa volonté d'un côté et puis de la littérature qui le rattrape presque sans qu'il l'ait souhaité? Je pense que la contiguïté entre l'essai et le roman n'est pas surprenante. On sait bien que Camus, Sartre ont à la fois écrit des essais et des romans et qu'il est nécessaire de représenter à travers des systèmes de personnages ou à travers des histoires ce qu'on pourrait écrire sous la forme de l'essai. Donc. Mais là, c'est la littérature qui vient vraiment le rattraper contre oui. son gré. C'est ça qui Alors, est un peu étonnant. C'est ce qu'il dit. Il dit bien que l'écriture, finalement, l'a plus pris en main que lui-même n'a contrôlé son écriture. Et donc il a vécu ce que vivent, je pense, les grands écrivains qui n'en restent pas à l'usage de leur langue ordinaire pour y raconter des histoires ordinaires, mais il a été en quelque sorte pris par l'écriture. Et donc j'insiste beaucoup sur ce mot écriture parce que on parle parfois de la langue de Kuruma, du style de Kuruma. Barthes a bien distingué ce qu'on appelle la langue, le style et l'écriture. La langue, c'est ce qu'on emploie et que tout le monde peut employer de la même manière. Le style, finalement, c'est un catalogue relativement stéréotypé de manières d'écrire, de procédés. Et ce qui fait les grands écrivains, c'est l'écriture. Et il y a une écriture chez Aristophane, par exemple, dans la Grèce antique. Il y a une écriture chez Rabelais. Il y a une écriture chez Hugo. Il y a une écriture chez Céline. Et l'écriture, c'est quelque chose de vraiment personnel et qui, je pense, ronge l'écrivain de l'intérieur pour l'amener à produire ce qu'est son rapport au monde. Et un rapport au monde qu'il ne contrôle pas, qu'il ne dit pas de manière consciente, mais qui sort dans le langage qu'il crée. J'avais envie de vous faire prononcer l'expression de fiction critique, mais je ne suis pas vraiment parvenu. Alors oui, bien entendu, j'en parle dans l'article liminaire de l'ouvrage. C'est Dominique Viard qui a inventé cette nouvelle catégorie qu'on appelle les fictions critiques et qui permettent justement de faire passer le mot fiction devant le mot critique et de ne plus dire donc que c'est une littérature politique dans laquelle la politique serait l'essentiel. Une fiction critique est probablement à ce que l'on peut faire dans le domaine de la littérature engagée, ce qu'est l'autofiction par exemple par rapport à l'autobiographie. Et qui seraient les autres représentants de la fiction critique? Fiction critique en Afrique, il n'y en a pas. C'est essentiellement ce qu'on va voir dans la littérature actuelle du XXIe siècle, François Bon. Donc il serait le seul représentant de la fiction critique. Oui, enfin si on veut lui trouver un étiquetage qui soit un étiquetage. Ah, on sait que vous n'aimez pas les cases, les numéros voilà. Et tout ce qui va. Mais c'est peut-être ce que, enfin j'ai cherché du côté de Dominique Viard effectivement ce qu'on pouvait trouver comme parallèle possible pour amener Kuruma dans la littérature française et dans une vraie littérature qui le détache, qui le déshistoricise, qui le délocalise, qui le sorte de ce dans quoi on l'enferme, c'est-à-dire l'Afrique coloniale, l'Afrique des indépendances et forcément une écriture engagée, parce qu'il y a beaucoup plus à trouver chez lui que cela. Mangeur d'âme, qu'est-ce que ça dit à un Français? Ça dit rien. Mais à un Africain, mangeur d'âme, ça suppose des gens qui se transforment en hibou la nuit, qui viennent sous des fromagers, qui prennent l'âme d'une personne et qui se le partagent. C'est des choses qu'il est impossible d'exprimer. En français, il faut voilà. Et donc, nous sommes obligés de voir quelque chose de nous, de donner des sens à des mots que ça n'a pas en France. Oui, parce que quand vous écriviez votre premier roman, Les Soleils des Indépendances, vous parliez et vous pensiez dans votre langue natale, c'est-à-dire dans le malinquais. Oui, effectivement, j'ai utilisé beaucoup de malinquais, mais ce n'est pas l'expression malinqué qui est le plus important. C'est la civilisation malinqué que j'ai voulu présenter. Par exemple, le livre commence par Ibrahim a fini. Fini parce que à malinqué, on ne meurt pas. Les malinqués, dans la civilisation malinqué, dès qu'on meurt, on se transforme, on revient. Donc, on finit une vie pour recommencer une autre. Donc, ce n'est pas la mort. Donc, c'est pourquoi dans ce roman, ça commence par fini. Alors au fond, Patrick Voisin, ce qu'apporte à la littérature en français Amadou Kourouma, c'est tout simplement une nouvelle poésie chargée d'une autre culture, chargée d'autres mythes. Et quand il parle de mangeur d'âme, effectivement, nous, dans l'Hexagone, on comprend peut-être pas exactement à quoi ça renvoie, mais en même temps, ça nous emmène tout de suite dans un univers qui est un univers poétique. Exactement, et c'est ce qui fait que on peut passer ainsi de l'idée de littérature politique quand on parle de Kourouma à ce que Jacques Rancière, dans Le partage du sensible, appelle une politique de la littérature. Et qu'est-ce que c'est la politique de la littérature de Kourouma? Elle s'appuie finalement sur deux expressions très courtes qui datent du 19e siècle, c'est Mallarmé et c'est Rimbaud, c'est changer la langue et changer la vie. Il suffit de changer la langue pour qu'on change la vie et pour qu'on passe dans quelque chose de très original. Alors le Malinké a servi à cela à Kourouma. En même temps, quand je dis « a servi à cela », ce qu'il faut préciser, c'est que Kourouma ne se sert jamais de la langue. Il sert la langue, il ne s'en sert pas de manière utilitaire, comme le fait un écrivain engagé, pour qui les idées passent avant la langue ou avant l'écriture. C'est ce qui lui donne sa légèreté, d'ailleurs. Voilà. Et donc, dans le cas de Kourouma, on voit bien, et c'est ce qui ressort de ce qu'il dit, que le pourquoi du monde ne peut avoir de sens que par le comment écrire. C'est Barthes qui distingue ainsi ce qu'il appelle des écrivains, c'est-à-dire ceux qui sont directement obsédés par l'expression d'idées. J'y reviens au Mongo Betty ou au Loghem, etc. Et puis ceux qui pensent que le pourquoi du monde ne peut venir que du comment écrire. Et donc de ce qu'on va appeler la responsabilité de la forme, l'éthique de la langue, et donc j'appelle dans le texte liminaire de l'ouvrage une poétique, c'est-à-dire une fabrication de la langue qui n'est pas simplement une fabrication poétique ordinaire avec une poétisation, mais une poétique au sens où on forge une langue, et Kourouma forge une langue en fondant en quelque sorte le français et le malinké ensemble, pour donner ces expressions absolument stupéfiantes. Et puis, en même temps, cela débouche sur une poétique, avec un éthique, un TH, parce qu'il y a une morale dans tout cela, et c'est une morale de la langue qui, en quelque sorte, va prendre en main le discours politique. Donc le discours politique n'est pas lâché d'une manière directe, comme on le voit dans le genre de l'essai, mais est transformé, et malaxé, et ruminé, et digéré par la fabrique de la langue. Et au bout du compte, on revient bien à une littérature qui est toujours politique, parce que on n'oublie pas la politique quand on lit le roman. Mais, simplement, il y a une fabrique qui aboutit à cela, et ce n'est pas un trajet direct vers les idées. Donc il faut le lire comme une rumination aussi, il faut prendre le temps, peut-être pas de comprendre, mais de rentrer dans ce que nous raconte, ce qu'évoque Kourouma. C'est aussi un apprentissage de la lecture. C'est un apprentissage de la lecture, et donc pour illustrer cette rumination, il y a par exemple l'évocation régulière dans le roman de la météorologie, et en particulier de l'harmattan, cette saison qui est une saison à l'hiver, qui a à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs. Et donc l'harmattan revient constamment tout au long du roman et scande la lecture. Et donc ça accompagne cette rumination. Et la rumination, c'est aussi le fait de bien peser ce que disent les personnages pour s'apercevoir que il y a à l'intérieur à la fois du vrai, puisque Kourouma veut dire du vrai, mais il y a en même temps le contraire. Et donc c'est toute l'utilisation par Kourouma de l'ironie qui décrédibilise en particulier son personnage principal, qui de héros épique qu'il devrait être, puisque c'est un guerrier de grande origine, devient une sorte d'anti-héros et de personnage pitoyable, pour à la fin devenir un héros tragique. Et donc on passe du héros épique qui perd tout son crédit à un héros tragique à la fin, qui meurt parce qu'il ne peut pas faire autrement, mais qui sauve en quelque sorte son personnage. Pour terminer, Patrick Voisin, j'aimerais vous demander tout simplement, est-ce que Kuruma d'abord vous émeut ou est-ce que Kuruma d'abord vous intéresse? Alors, Kuruma, tout d'abord, si vous me demandez tout d'abord, il suscite chez moi... Et en quelques secondes, malheureusement. Il suscite chez moi un souvenir, c'est le souvenir d'un professeur africain qui a été mon président dans un jury d'agrégation où j'ai siégé. Il était originaire du Bénin et il avait la carrure de Kuruma, il avait le rire de Kuruma et je le revois constamment, il est mort, et je le revois constamment quand je lis Kuruma. Ensuite, pour revenir à votre question... C'est quelque chose qui m'émeut. Son texte m'émeut parce qu'on y sent beaucoup de modestie de sa part. Ce n'est pas quelqu'un qui serait une grande gueule de la politique africaine. C'est très important. Merci beaucoup, Patrick Voisin, d'avoir passé ce moment avec nous à parler de la littérature de Kuruma. On se quitte, comme chaque jour, avec un moment de poésie proposé par Jacques Bonafé. Bonjour. Hommage à Michel Butor, poète. Alors que son œuvre complète, Le génie du lieu, va être édité par les éditions de La Différence. Sur la réserve. Mon cher Indien, en cette année où nous célébrons avec quelques tintamarres et malaises le 5e centenaire du hasardeux premier voyage transatlantique de Christophe Colomb, en faisant silence sur les migrations et découvertes antérieures dont nous savons à vrai dire fort peu de choses, pourquoi ne te montres-tu pas plus raisonnable? C'est vrai, il y a eu quelques massacres, mais c'était l'époque. Admettons même qu'en certaines régions, il y en a eu beaucoup, mais depuis quelques années, cela a nettement diminué. Considérons calmement tout cela comme de l'histoire ancienne. Oui, nous avons détruit de nombreuses cultures curieuses. Mais iras-tu sérieusement soutenir que nos costumes trois pièces, nos cravates et nos t-shirts ne sont pas plus saillants que tes plumes d'antan? Tu es un bon client pour nos supermarchés où nous tolérons un rayon pour ton artisanat. Tu portes le jean à merveille et nos casquettes de baseball te donnent fière allure. Si nous t'avons dérobé la plupart des objets que tu vénérais, c'est pour les vendre à de grands collectionneurs ou les accumuler dans des musées où ils sont soignés avec toutes les ressources des techniques les plus récentes. Maintenant qu'il ne te reste presque plus rien, vois comme nous sommes heureux de dénicher l'un des tiens, à peu près intact, comme si nous ne t'avions pas détruit. Sous quelle belle surveillance nous essayons de le garder. Reconnais donc, mon cher Indien, qu'avec tes sursauts de vitalité, tu nous compliques diablement la vie. Mais je vois déjà trop bien que je pourrais ameuter tous les conservateurs et douaniers de l'art, grommeleurs, persifleurs dans nos administrations et salons. Nous ne menons déjà plus qu'un combat d'arrière-garde. Tu es sorti de ta réserve et nul ne pourra plus jamais t'y confiner. Michel Butor était de cette sorte de gens dotés d'une telle vitalité qu'on les croit naïvement indestructibles, et dont la mort étonne autant qu'elle afflige. Magnifique polygraphe, rétif aux injonctions de la célébrité et des modes, il avait depuis longtemps tourné la page de la fameuse épopée du nouveau roman, revendiquant obstinément, sans que toujours on l'entende, la qualité de poète. Pour preuve, son soutien indéfectible à l'action du Printemps des Poètes, sa présence, à nos côtés, dans maintes manifestations, écrit Jean-Pierre Siméon, directeur du Printemps des Poètes. Le tombeau d'Arthur, inédit pour le printemps 2005, justement, trouve ici une troublante pertinence. Extrait. La pluie tombe sur Charleville, des lycées vont porter mon nom. On fêtera l'anniversaire de ma naissance et de ma mort. De savants universitaires vont me traiter de tous les noms. Sans doute il s'agit de quelqu'un que j'aurais voulu devenir, mais qui s'est dérobé sous moi, comme une jambe que l'on coupe et qu'on ne peut pas remplacer. Je me trouve très bien ici. Le vent siffle sur les mosquées, la voile claque sur les vagues, les porteurs me secouent toujours. Qui parle ici? Qui se faufile dans les ossements de ma vie? Usurpateur d'identité, voleur du feu de mon bûcher, fantôme d'un ancien fantôme, je cherche l'autre que je suis, déchiqueté dans mes errances. Mère, notre tombe se creuse en l'engloutissement d'un monde. « Voilà, c'est avec ce charmant crin-crin que s'achève la compagnie des auteurs aujourd'hui. Jacques Bonnat fait comme d'habitude. Patrick Voisin, je rappelle que les actes de la journée d'études dont nous nous sommes servis pour préparer cette émission sont disponibles chez Classique Garnier sous le titre Amadou Kourouma, entre poétique romanesque et littérature politique. Un grand merci encore à vous. Cette émission était réalisée comme chaque jour par Laurence Millet. À la console, il y avait Clément Daté. Et à la préparation, Corinne Amard, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Le podcast et la réécoute en ligne, c'est évidemment sur notre site. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook et Twitter. Demain, troisième temps de notre semaine Kourouma, nous parlerons de sa place parmi les autres écrivains africains. Ce sera avec Romuald Fonkoy, professeur de littérature, et avec Bertrand Magnier, journaliste et directeur de la collection Lettres africaines chez Actes Sud.